FSI French Revised, Unit 1, Tape 4. Practice drills. Practice drill A1. Mademoiselle Courtois et ma fille sont en vacances. Elles sont à Paris. Mademoiselle Courtois et ma fille sont en vacances. Elles sont à Paris. Mon frère et ma sœur sont en vacances. Mon frère et ma sœur sont en vacances. Ils sont à Paris. Le frère de Janine est en vacances. Le frère de Janine est en vacances. Il est à Paris. Janine et ma sœur sont en vacances. Janine et ma sœur sont en vacances. Elles sont à Paris. Monsieur Lelon est en vacances. Monsieur Lelon est en vacances. Il est à Paris. Madame Durand et Monsieur Lelon sont en vacances. Madame Durand et Monsieur Lelon sont en vacances. Ils sont à Paris. Monsieur et Madame Lelon sont en vacances. Monsieur et Madame Lelon sont en vacances. Ils sont à Paris. Mademoiselle Courtois est en vacances. Mademoiselle Courtois est en vacances. Elle est à Paris. Mon père et mon frère sont en vacances. Mon père et mon frère sont en vacances. Ils sont à Paris. Les parents de Janine sont en vacances. Les parents de Janine sont en vacances. Ils sont à Paris. Practice drill A2. Tutor. Oui, Janine. Student, elle est en vacances. Où sont les enfants? Ils sont en vacances. Où sont vos filles? Elles sont en vacances. Oui, Mademoiselle Courtois. Elle est en vacances. Où est votre fils? Il est en vacances. Où sont vos fils? Ils sont en vacances. Où sont Janine et sa sœur? Elles sont en vacances. Où sont vos parents? Ils sont en vacances. Où sont votre père et votre frère? Ils sont en vacances. Practice drill A3. Tutor. Où est votre amie Janine? Student. Elle est ici. Où est le livre? Il est ici. Où est le café? Il est ici. Où est votre frère? Il est ici. Où sont vos parents? Ils sont ici. Où est Mademoiselle Courtois? Elle est ici. Où sont les livres? Ils sont ici. Où est votre sœur? Elle est ici. Où sont vos frères? Ils sont ici. Où sont vos sœurs? Elles sont ici. Où est votre fils? Il est ici. Practice drill A4. Tutor. Où sont les livres? Student. Je ne sais pas où ils sont. Où est le livre? Je ne sais pas où il est. Où est Janine? Je ne sais pas où elle est. Où est la classe? Je ne sais pas où elle est. Où est le restaurant? Je ne sais pas où il est. Où est mon frère? Je ne sais pas où il est. Où est votre amie Janine? Je ne sais pas où elle est. Où sont les enfants? Je ne sais pas où ils sont. Où est le livre? Je ne sais pas où il est. Grammar 3. Inversion question. Learning drills. Learning drill 1. Voulez-vous le livre? Voulez-vous le livre? Traduisez-vous? Traduisez-vous le livre? Avez-vous? Avez-vous le livre? Fermez-vous? Fermez-vous le livre? Ouvrez-vous? Ouvrez-vous le livre? Lisez-vous? Lisez-vous le livre? Demandez-vous? Demandez-vous le livre? Voulez-vous? Voulez-vous le livre? Learning drill 2. Sont-ils pressés? Sont-ils pressés? Est-il? Est-il pressé? Sont-elles? Sont-elles pressées? Est-elle? Est-elle pressée? Êtes-vous? Êtes-vous pressé? Sommes-nous? Sommes-nous pressés? Learning drill 3. Êtes-vous au café? Êtes-vous au café? Allez-vous? Allez-vous au café? Sont-elles? Sont-elles au café? Est-il? Est-il au café? Allons-nous? Allons-nous au café? Est-elle? Est-elle au café? Va-t-elle? Va-t-elle au café? Va-t-il? Va-t-il au café? Allez-vous? Allez-vous au café? Sont-ils? Sont-ils au café? Learning Drill 4. Vos parents sont-ils toujours en vacances? Vos parents sont-ils toujours en vacances? Vos amis sont-ils? Vos amis sont-ils toujours en vacances? Vos amis sont-elles? Vos amis sont-elles toujours en vacances? Votre amie est-elle? Votre amie est-elle toujours en vacances? Votre ami est-il? Votre ami est-il toujours en vacances? Votre sœur est-elle? Votre sœur est-elle toujours en vacances? Votre frère est-il? Votre frère est-il toujours en vacances? Les enfants sont-ils? Les enfants sont-ils toujours en vacances? Vos filles sont-elles? Vos filles sont-elles toujours en vacances? Vos fils sont-ils? Vos fils sont-ils toujours en vacances? Monsieur et Madame Leland, sont-ils? Monsieur et Madame Lelong sont-ils toujours en vacances? Votre frère et votre sœur sont-ils? Votre frère et votre sœur sont-ils toujours en vacances? Votre sœur et Jeannine sont-elles? Votre sœur et Jeannine sont-elles toujours en vacances? Practice drills. Practice drill A1. Tutor. Vous allez à Paris? Student. Allez-vous à Paris? Vous allez au restaurant? Allez-vous au restaurant? Vous parlez français? Parlez-vous français? Vous traduisez le livre? Traduisez-vous le livre? Vous fermez la porte? Fermez-vous la porte? Vous répétez la phrase? Répétez-vous la phrase? Vous lisez la leçon? Lisez-vous la leçon? Vous répondez en français? Répondez-vous en français? Vous écoutez la phrase? Écoutez-vous la phrase? Vous ouvrez la porte? Ouvrez-vous la porte? Vous avez des nouvelles? Avez-vous des nouvelles? Practice drill A2. 2. Tutor. Vous êtes heureux? Student. Êtes-vous heureux? Vous êtes pressé? Êtes-vous pressé? Vous êtes français? Êtes-vous français? Vous êtes près d'ici? Êtes-vous près d'ici? Vous êtes en retard? Êtes-vous en retard? Vous êtes anglais? Êtes-vous anglais? Vous êtes au café? Êtes-vous au café? Vous êtes heureux? Êtes-vous heureux? Vous êtes Monsieur Leland? Êtes-vous Monsieur Leland? Vous êtes pressé? Êtes-vous pressé? Practice drill A 3. Tutor. Ils sont ensemble. Student. Sont-ils ensemble? Elles sont ensemble. Sont-elles ensemble? Ils sont heureux. Sont-ils heureux? Il est heureux. Est-il heureux? Elle est ici. Est-elle ici? Elles sont ici. Sont-elles ici? Ils sont ici. Sont-ils ici? Il est anglais. Est-il anglais? Ils sont anglais. Sont-ils anglais? Elles sont ensemble. Sont-elles ensemble? Practice drill A 4. Tutor. Il va au café. Student. Va-t-il au café? Elle va à Lyon. Va-t-elle à Lyon? Ils sont pressés. Sont-ils pressés? Elle est pressée. Est-elle pressée? Il est français. Est-il français? Ils sont français. Sont-ils français? Il sait la leçon. Sait-il la leçon? Elle sait la leçon. Sait-elle la leçon? Il va déjeuner. Va-t-il déjeuner? Elle va déjeuner. Va-t-elle déjeuner? Practice drill A 5. Tutor. Janine est à Paris. Student. Est-elle toujours en vacances? Mon père et ma mère sont à Paris. Sont-ils toujours en vacances? Mon frère est à Paris. Est-il toujours en vacances? Ma sœur est à Paris. Est-elle toujours en vacances? Les sœurs de Janine sont à Paris. Sont-elles toujours en vacances? Mademoiselle Courtois est à Paris. Est-elle toujours en vacances? Mon frère et ma sœur sont à Paris. Sont-ils toujours en vacances? Madame Leland et Madame Courtois sont à Paris. Sont-elles toujours en vacances? Monsieur et Madame Leland sont à Paris. Sont-ils toujours en vacances? Janine est à Paris. Est-elle toujours en vacances? Practice drill A6. Tutor. Janine va au restaurant. Student. Janine, va-t-elle au restaurant? Les enfants sont en vacances. Les enfants sont-ils en vacances? Vos parents sont ici. Vos parents sont-ils ici? Janine est avec eux. Janine est-elle avec eux? Janine, c'est mon nom. Janine, c'est-elle mon nom? Ma sœur va à Lyon. Ma sœur va-t-elle à Lyon? Ma fille va avec eux. Ma fille va-t-elle avec eux? Janine comprend la leçon. Janine comprend-elle la leçon? La classe commence à 1 heure. La classe commence-t-elle à 1 heure? Monsieur Leland comprend. Monsieur Leland comprend-il? Ce mot est français. Ce mot est-il français? Vos filles sont en retard. Vos filles sont-elles en retard? Le restaurant est bon. Le restaurant est-il bon? This is the end of tape 4, unit 1.